partir de maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Nekfeu. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Nekfeu, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle et grosse semaine avec cet album coup d'envoi de feu. Yes. Comment ça va Nekfeu? Ça va super bien. J'ai l'impression que ça va bien là. Ouais, franchement, là, je suis sur un petit nuage là, il y a Megava qui arrive. Bon là c'est en train d'arriver, il y a FG déjà qu'on peut saluer. Ouais. Dooms, yes, il y a là. Il y a une grosse partie de l'équipe, il y a mon gars Hugs, beatmaker de renom qui est sur mon label et qui a fait quelques sons dont je te parlerai plus tard. Et bon, on va de parler des gens qui ont bossé autour de cet album qui est sorti aujourd'hui. Ouais. Mais on peut dire quand même déjà depuis quelques semaines ça sentait bon, non? Bah, je sais pas, tu sais, en tout cas en termes de retour, j'ai été vraiment touché par ce que j'ai eu comme compliment et comme attachement de la part des gens. Puis le soutien aussi, ça m'a fait super plaisir. Tous les gens avec la pochette en photo de profil, les CD précommandés, les bordels, même les gens qui en parlent, qui donnent de la force. J'ai jamais vécu ça à ce point. Et ouais, c'est un truc de fou. Bon bah je vais rajouter ma couche sur cet album qui est extraordinaire. Bon, franchement c'est un super album. Aussi bien dans les prods, dans le flow aussi. Il y a plein de flows différents. Il y a plein de choses que tu tentes. Mais je dirais, alors parfois c'est un peu tenté et foiré. Ouais. Mais tenté et qui fonctionne. En tout cas sur cet album. On pourra le découvrir, des invités aussi. Et bah tiens, pour se plonger directement dedans, on a un petit medley de Feu, l'album de Nekfeu qui est sorti aujourd'hui. Écoutez ça. Ce soir, Planet Rap Nekfeu. L'avenir nous réserve, on verra bien, vas-y viens on y pense pas. On verra bien, l'avenir nous réserve, on verra bien, on verra Planet bien. Rap. Planet Rap. Je te parle de mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes, les traîtres, les fuck. Trap Nekfeu. Pas les radios formatées, mon boulot en autoprod, je ne suis jamais épuisé. Je fais pas mon son pour plaire à Laurent Bruno, mais c'est une victoire quand il est diffusé. Ça c'est ma dos, ça c'est ma dos. Ta vie mon corps, mon ciel, mon flow. Yeah. Ça c'est ma dos, ta petite amie m'appelle mon bro. Ça c'est ma dos, amène ma bande, protège mon bro. Planète Rap. La vie de tempête, ici on est vite tenté. On veut finir du bon côté de la vie teintée. Ah ouais, je sais que t'as envie de tâter les fonds et les formes pourvu que ça vide ta tête. Ah ouais. Planet Rap. Un jour on est en bas, le lendemain on s'élève. Trop de questionnements, mon âme est scellée. Phénoménal comme l'armée céleste. On va rendre nos amis célèbres. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, on revend des millions d'euros. Et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, on revend des millions d'euros. Et j'ai poussé comme une rose. Planet Rap. Pense comme si elle en avait envie. Elle danse comme si elle en avait envie. Ah, au moins elle est en vie. Elle danse comme si elle en avait envie. Prenez les risques de l'amour, mais j'ai toujours l'amour du risque. Risible amour, risible amour. Prenez les risques de l'amour, mais j'ai toujours l'amour du risque. Risible amour. Planet Rap. Petit, je n'ai pas de sens. Ça n'a plus aucun sens. Obligé d'en venir au cul. Elle me prend des avances. Yeah. Je prends du recul. Planet Rap. Quand tu l'écris dehors, parmi les crimes et les hors là, l'aura combien sont morts, impatients devant l'horloge. Moi, je suis qu'un passant qui te décrit ce décor là. Je me sens comme au passant quand tu l'écris le hors là. J'entends des cris dehors. On veut se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier. Yeah. Planet Rap. J'attends la réussite des astres. J'attends la réussite des astres. J'attends la réussite des astres. J'attends la réussite des astres. Planet Rap. Un quart de siècle, alors laisse-moi rapper avec l'intellect à quart de CRS. Rap. Les comme les feux rouges, les keufs commencent leur rond.

à foutre de rien. Feu. Screwboy. Dans les bacs. Ce morceau, on verra, c'est extrait de Feu, l'album de Nekfeu. Il est né comment celui-ci? Parce que je sais que l'album, il a été fait dans plein d'endroits. Ouais. Tu l'as fait un peu partout dans le monde. Je l'ai fait un peu partout. Je l'ai fait en grande partie dans le 94, dans l'ancien studio de mon gars Blackbird, DJ Elite, qui est ici. Ensuite, on a délocalisé. On est même allé dans le nord pour enregistrer. On a enregistré après une partie dans le nouveau studio. Le morceau avec Dooms qu'on a fait à Londres. On est parti même à New York pour enregistrer, ça s'est pas fait au final, mais il y a des morceaux qui sont nés là-bas. Et ce morceau là, on verra, c'est en fait il y a une grande partie d'improvisation en fait. J'étais un peu dans une ambiance et le refrain je l'ai trouvé comme ça sur un coup de tête, j'avais rien gratté. Et je cherchais un refrain depuis un petit moment, et donc je suis super content du titre. Je kiffe l'ambiance. Le son de ce morceau, on verra. Le son, c'est BLV. BLV, c'est ça. Parce que je connais le Bébo le vrai, mais le raccourci, j'ai galéré à trouver. Et voilà, ouais, c'est mon gava, je lui passe un gros big up. Et tu te souviens, toi, quand t'as écouté justement le son avant d'écrire le morceau, tout de suite, tu t'es dit, bon, il me le fait celui-là. En fait, la prod, c'était pas du tout ça, c'était l'intro de. Enfin, ça a évolué, mais en fait, c'était un peu une intro ce qu'il avait fait. Et ensuite, elle partait complètement dans un autre délire, et moi, en gros, je l'ai retaffé avec lui, on a passé des longues nuits dessus. Et j'avais une idée assez précise du truc et voilà, je suis super content. C'était beaucoup de taf et beaucoup d'impro aussi. Il était compliqué à faire ou pas ce premier album solo, Nekfeu? Ouais, très très compliqué. C'est vrai? Il a été super compliqué déjà parce que j'ai eu du mal à me satisfaire de ce que j'avais fait. J'ai fait deux premières ébauches de l'album que j'ai un peu jeté. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais pas m'enfermer dans un seul délire. Je voulais réussir à réunir toutes mes influences sans formater ma musique ou sans perdre ce que j'aime aussi dans le rap. Et donc ça a été beaucoup de réflexion, mais une fois que j'ai su ce que je voulais faire, c'était que du plaisir. Et avec Elite, on a enregistré franchement des dizaines et des dizaines de morceaux qui sont pas sur l'album. Et il y en a plein, ouais, qui sont de côté. Ouais, il y en a plein qui sont de côté ou qui sont morts dans l'œuf. Mais voilà, ouais. Sinon, c'était aussi dur parce que c'est de l'autoproduction, c'est sur mon label Senzu. Donc c'est le label qu'on a monté avec mes frérots du S-Crew. Et du coup, tu vois un peu les. Donc t'as la pression en même temps de se dire je porte quelque chose. Donc si je me plante, c'est ça. Je porte le label. On doit gérer les paplards, on doit faire les trucs carrés pour que ça soit pro, tu vois, à l'américaine. Donc t'as dû apprendre plein de trucs en fait. D'un seul j'ai appris sur cet album, sur le tas. J'ai appris, en vrai, on a appris avec S-Crew pour Senzu parce que c'était la même configuration. Et avec un 995 aussi sur le label, un double 95 qu'on a monté aussi. Mais là, c'était encore, c'était moi en première ligne, donc c'était beaucoup de taf, beaucoup de galères. Mais bon, je suis content d'en être sorti. Pression aussi, non? Il y a forcément ce truc-là. Pression de fou, pression. ouais, tu sais pas comment l'album va être reçu, tu sais pas si t'arriveras à respecter tous les délais que tu t'es fixé. Et au final, j'ai charbonné comme un chien. D'ailleurs, avec tous les frères présents ici aussi qui m'ont grave aidé, grave soutenu. Voilà. C'est quoi, c'est un peu soulagement aujourd'hui de se dire bon bah voilà, les gens sont réceptifs. Ouais. C'est vrai que je t'ai vu aussi dans des articles incroyables, Le Monde, en fait. Franchement, la classe à Dallas là pour l'album. Je retrouve dans des trucs assez hallucinants et en bien en plus. Donc, ouais, grave. Bah écoute, moi je vais profiter du fait que j'essaye d'apporter une bonne image au peu rap pour représenter justement d'où je viens. Et moi, c'est l'underground, c'est le rap pur et dur, tu vois. Le truc d'où on vient, les open mic, tout ça, c'est des trucs qui sont en nous. Et voilà, j'espère représenter un peu une partie émergente de l'underground qui a les mêmes valeurs que moi, qui rappe en équipe, qui fait les trucs soi-même. Et donc voilà, grosse pression, et je suis content de voir l'accueil justement de mes frères dans le rap. C'est important, mais c'est vrai que c'est un truc dont tu parles beaucoup dans les morceaux, c'est ce côté équipe, voilà, que ce soit avec S-Crew, avec 995, avec l'entourage aussi. Ouais, ouais. Sur l'enregistrement, par contre, est-ce qu'à un moment t'es seul? Est-ce qu'à un moment, quand t'es devant ta feuille blanche, ou rarement? Franchement, rarement. Je t'avoue, quand j'écris, je suis souvent seul, je marche, c'est la nuit et je suis seul avec mes pensées, mais j'ai toujours mes gars en fait autour de moi, j'ai un peu le recul du truc. Et quand j'enregistre, déjà j'étais toujours en duo avec Elite. et les gars du escrow qui passaient derrière, ça validait pas. Nous on est super cash. Voilà, est-ce que justement, ouais. C'est ce que j'allais dire, est-ce que c'est pas de temps en temps un peu, ouais, tout ce que tu fais est dément, archi pas. En fait, nous on est des gros chambreurs, on est une équipe de gros chambreurs et on veut être fiers chacun les uns des autres, donc il y a pas de langue de bois. C'est ça pour moi les vrais frères. Mm-hmm. Et donc voilà, tu vois, quand Mekra il écoute un morceau, il me dit ouais, ah, c'est de la merde. J'aime c'était pas sur quoi les morceaux. Ouais, ça a été modifié. Mais tu vois, je me fie en fait vraiment au jugement de mes refs parce que j'aime ce qu'ils font et on a les mêmes valeurs et eux ils savent qui je suis. Donc ça me permet de prendre du recul sur tout ça, tu vois. C'est super important pour moi. Bon, il y a quelques minutes, il y avait chez Emric, Kendrick Lamar qui est passé pour une interview. Ouais. Et il a parlé de toi, hein, parce qu'il y a Emric qui lui a fait écouter justement le On Verra. Ouais, j'ai le vu morceau ça. Qu'on écoutait à l'instant. Et tiens, écoute sa réaction, Kendrick Lamar. Okay. Est-ce que tu aimerais découvrir du rap français? Of course. Il y a un artiste dont tout le monde parle, il s'appelle Nekfeu. Ok. On va te faire écouter un bout de son morceau qui cartonne sur Skyrock et tu nous dis ce que t'en penses. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, vas-y, viens. I like it. I like the feel of it. If yes. I can understand it, that'll be an even more plus. But the feel is there, and the flow is there. The cadence is there. That's a trip. Wow. That's a trip that you can. I don't know the language, but I can still feel it. Hmm. That's a trip. Bon, je fais la traduction pour ceux qui n'ont. Tu maîtrises bien l'anglais. Ouais, ouais. Ouais, ils disent ce que disent les carrés quand ils écoutent anglais, un morceau. Hein. Ouais, j'ai je capté, comprends pas, mais la vibe, elle est bien. J'ai capté vite fait ce qu'il disait et ça faisait plaisir. Il était en train de. Il aime beaucoup, qu'il aime la vibe. Il comprend rien à ce que tu dis, évidemment, parce que c'est français. Ouais. Mais le flow et l'énergie sont là. C'est kiffant de rien comprendre et de pouvoir ressentir l'émotion. Continue comme ça, c'est très bien. Et ce qui est lourd, c'est que ça, c'est ce qu'ils disent à peu près tous les carrés. Donc, ouais, mais quand tu le vois, parce qu'il y a une vidéo aussi qui est dispo, je crois, sur skyrock.fm de l'interview. C'est ça qui m'a fait plaisir. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'il a écouté longtemps le. C'est bordel. Qu'il écoute longtemps le morceau, qu'il veut pas justement arrêter l'écoute de ce morceau, et que généralement ils sont là, les ricains, ils sont là, soit ils tirent sur leur ouin, soit ils sont en train de regarder ailleurs, soit ils regardent leur montre, leur portable. Et là, il est vraiment concentré, c'est-à-dire que t'as. Ce qui est assez rare. Ah, je suis honoré. En plus, nous, on est connectés justement avec des mecs de LA. Il y a un gars qui est affilié à TDI, justement, KMBX. Avec qui j'ai fait un son avec Sneeze et voilà, on est pas mal connecté justement avec la scène de LA récemment, donc voilà, Kendrick c'est un peu leur maître. Et bah écoute, validé par Kendrick à l'instant avec feu, et puis validé aussi par vous. Et ça fait plaisir, je pense aussi, parce que tous les messages qu'on reçoit, allez-y avec le hashtag Nekfeu sur Skyrock, vous balancez 41759, il y a un gros freestyle qui se prépare et on écoute un morceau. Qu'est-ce qu'on met de feu? Bah enfin, pour présenter l'album, j'ai envie de mettre l'introduction de l'album qui s'appelle Martin Eden, qui est produite par mon gars Hugs, qui vraiment a fait du sale. L'album était quasiment fini. Il est là. Il est là dans la présente. Ça c'est le label, c'est la famille, c'est ce qu'on veut mettre en avant. C'est, ce ça, genre c'est, de... c'est un peu l'intro, mais c'est un morceau, hein, mais c'est l'intro de l'album. Ouais. C'est une carte de visite. Un peu de culture aussi. Martin Eden, c'est un bouquin. Hein. Ouais, c'est un bouquin. Faisons un petit peu justement notre Bernard Pivot. Ouais, c'est l'histoire d'un mec qui veut monter, qui part d'en bas et qui veut justement devenir intelligent. Il se rend compte qu'au bout d'un moment, que en fait. Il est plus intelligent que les gens qui soi-disant sont cultivés. Et c'est un livre qui parle un peu de ça, de l'ascension et aussi de. Et après il y a la chute, ouais, parce qu'il y a. Il y a la chute, voilà. La chute et, aussi, ouais. Et c'était plus une manière de faire une petite dédicace à ce livre que j'aime bien. Mais le morceau, c'est plutôt ego trip, on va dire. Et bon, l'écoute maintenant. Martin Eden, c'est l'ouverture de cet album Feu qui est sorti aujourd'hui. Gros gros album de Nekfeu sur Skyrock. Vu que c'était un feu sur celle-là. L'album est dans les bacs. Va pécho ça. L'entourage. Escrew. À 995. Feu. Feu, feu. C'est le retour de Ken Master, Ken Shin, Ken Taro, Ken ta sœur. On veut tous se mettre bien,

ouais. Qui a été un peu le coup d'envoi de, ouais. Il y a eu les Nick les clones, mais qui n'étaient pas vraiment des clips, qui étaient plus. Non, Nick les clones, c'était pas du tout un clip. En fait, c'était juste un moyen d'accompagner le texte, parce que comme ça va vite, ma mère par exemple, elle comprenait pas ce que je disais, donc je me suis dit voilà pour les gens qui pour comprennent maman. Pas. Voilà pour ça maman. Ça va, elle a tout compris. Elle a tout compris, elle a kiffé d'ailleurs. Bon, et bah très bien, à découvrir aussi dans l'album ces différents morceaux. On va revenir dans quelques minutes du live, du freestyle avec avec du monde ce soir, une ouais, fois de plus. Très très beau monde. Dans le studio, Feu, l'album de Nekfeu, on mettra peut-être encore un titre juste avant. Vas-y, ouais, moi je suis super chaud là, j'ai hâte de le faire partager. Lequel? Dans quelle ambiance en ce lundi, jour de sortie? Vas-y, j'ai envie de mettre Tempête, j'ai sorti le clip il y a pas très longtemps et j'ai fait ce clip à Montréal, qui est une ville que je kiffe de ouf, qui est très hip-hop d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, vous devriez y aller. Ça kick de ouf, voilà, j'ai. Boum boum prod, pareil, c'est des jeunes, c'est des. Voilà, tu et connais bah, pas et tu vas connaître. Et bah bougez pas, c'est juste après ça le retour de Nekfeu. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Nekfeu pendant une heure complète ce soir. Planet Rap Nekfeu. Nekfeu, l'album est dans les bacs depuis aujourd'hui. Va pécho ça, mon gars. Yeah, l'entourage. Je mène pas une vie personne, même si j'ai percé. J'aperçois des personnes derrière les persiennes, seul dans mon appart sale. Ma sœur révise en partiel, y'a pas de coin partiel à part le ciel. Je suis entouré de sonars sur le sonar. Mais c'est trop tard quand les ennuis sont là. Les accusés sont sur le banc et transpirent comme au sonar. Les mères pleurent comme Solar. T'es jamais à l'abri, le mal me l'a appris, l'âme l'a pris. Une maman prie, pourquoi tu me l'as pris? Oh Dieu, c'est pas le ciel, c'est les hommes. Oh Dieu, leur âme est scellée par le sexe, c'est les sommes. J'ai vu le seum donner du sale. C'est comme si leur cœur avait regardé les deux yeux de Médusa. Le courage et la peur ensemble sont mes deux armes. Quand je me sens déraciné, je monte au sommet des arbres. De là où je vois la mort, faut être précis. Elle approche, la vie c'est apprécier la vue, apprécier la branche. Feu est dans les bacs. Avis de tempête, ici on est vite tenté. On veut finir du bon côté de la vie teintée. Ah ouais, je sais que t'as envie de tâter les fonds et les formes pourvu que ça vide ta tête. Ah ouais, ici on est vite tenté. On veut finir du bon côté de la vie teintée. Ah ouais, je sais que t'as envie de tâter les fonds et les formes pourvu que ça vide ta tête. La nuit je sors sans but comme un somnambule. Y'a certains rêves que les hommes n'ont plus. J'ai vu cette fille, on était seule dans le bus. Elle avait les yeux rouges, elle avait pas seulement bu. Elle avait de la cam dans un sac Balenciaga. Elle s'est fait canner, c'est ça de balancer un gars. Dans Paname, y'en a qui se perdent, y'en a qui espèrent. Péter des sapins, SB, les Nike SB. Dehors c'est froid, y'a plus d'humanité. Un homme est mort inanimé devant un immeuble inhabité. C'est la crise. La crise, qui est-ce qu'elle atteint? Toi, moi, ou le suicidaire qui est-ce qu'elle atteint? Toi. Ici on est vite tenté, on veut finir du bon côté de la vie teintée. Ah ouais, je sais que t'as envie de tâter les fonds et les formes pourvu que ça vide ta tête. Ah ouais, ici on est vite tenté, on veut finir du bon côté de la vie teintée. Ah ouais, je sais que t'as envie de tâter les fonds et les formes pourvu que ça vide ta tête. Comme Walter White, Jimmy Clark, quoi la bise. Heure, serre-moi la main, frère, claque-moi la bise. Je ne côtoie que des avions à la carlingue parfaite. J'ai beaucoup plus de goût que Karl Lagerfeld. Le monde de l'art est vantard, ils te vendent du street art. Mais ne veulent surtout pas voir mes scalagraphes en vandale. Tu peux ressentir l'aura dans nos raps. Sortez les anoraks, on aura bientôt l'orage selon l'oracle. Ma conscience m'a dit qui es-tu? Veux-tu vivre dans le vice ou dans la quiétude? Ça dépend où elle pèse, on doit être bête, ouais peut-être. Mais ma plume peut clouer le bec de Welbeck. Ici on est vite tenté, il vaut mieux que tu vives, t'inquiète. J'ai entendu vite ta caisse, le lendemain les flics enquêtent. À vite tempête, ici on est vite tenté. On veut finir du bon côté de la vie teintée. Ah ouais, je sais que t'as envie de tâter les fonds et les formes pourvu que ça vide ta tête. Ah ouais, ici on est vite tenté. On veut finir du bon côté de la vie teintée. Ah ouais, je sais que t'as envie de tâter les fonds et les formes pourvu que ça vide. Yeah, feu est dans les bacs, feu, feu. Grosse prod de Hugs, l'entourage est là, le escrew est là, mes gavas sont là, 1995 est là. Boum. C'est le Planet Rap de Nekfeu, feu. L'album est sorti aujourd'hui, on le découvre cette semaine entre 20 et 21, avis de tempête à l'instant sur Skyrock. Et en effet, tu le disais, il y a pratiquement tout un 995 qui est là. Funky Flav est là. C'est ça. J'ai vu Hologram Low qui est dans le coin. Sneezy aussi, évidemment. Alpha One aussi. Et puis, qui j'ai croisé aussi? Dean Burbigo qui est dans le coin. Et ça, il y a 2R qui nous a rejoint aussi. 2R qui nous a rejoint, qui est là, Escrew. Toujours Escrew. Et ouais, en fait, là, aujourd'hui, c'est le premier jour, donc c'est le bordel. Comme d'hab. Voilà, j'ai prévenu les gens limite au dernier moment, c'est n'importe quoi. Mais donc, je sais même pas vraiment qui est là de l'équipe ou quoi. Mais On vous prépare un gros freestyle quoi qu'il arrive. Et ben dans un instant le gros freestyle quoi qu'il arrive. Juste avant c'est MLK de Bagneux. Salut MLK. Salut, salut. Ça va bien? Bien quoi? Tranquille, tranquille, et toi? Et bah tu connais Nekfeu? Yep, ouais bah aujourd'hui j'ai saigné l'album. C'est vrai, bien vu, gros, bien vu. Alors merci. MLK, qu'est-ce que tu retiens de l'album? Qu'est-ce que t'as entendu de qui t'a retourné le cerveau? Bah là avant de passer j'étais encore en train de l'écouter. Là j'en suis à un peu plus de la moitié. Et rien que ça, ça m'a tué. Merci frère, ça fait plaisir. Bon ça va, il te reste encore un peu de force pour taper le freestyle par téléphone? Yep. Et bon on t'écoute MLK, c'est parti. Ok. Ah, c'est à capella, on y va. Yep. Ok. Ok. MLK, M-Boss, Luther King. Ça fait. Laisse rimer, oui vas-y laisse filer, laisse veste, il est MC qui se disait stylé. Moi j'ai mes bêtes d'idées vers stylées, je veste les mecs qui sous-estimaient. Oui vas-y laisse streamer, moi je m'en tape d'être sûr ou bien sous-estimé. Je veux la life à laquelle je pense être destiné. Je veux qu'album et concert me fassent dîner. Pour ça Marie mettez le point, je vous laisse deviner. J'ai le goût d'histoire, la frousse et ça sent. Mais où est passé le petit qui disait j'en tape sans? J'ai les mêmes vers plutôt pervers qui rebondit sur la caisse claire. Ton adversaire est absent. Yo. On peut foutre le fire à la scène, et tes parisiennes font péter le clap, clap. Et vous ne verrez pas la scène, tout ça parce que vous êtes tous piégés dans la trappe, trappe. Tant de marques, laissez finir tour les snapbacks. Je kiffe la voix sur l'or, finir tour le statman. Yo, ça taffe, tap, finir tour, Mike, Mike. J'ai le goodies, pas de groupe, et je retourne à ta salle. Et même Black N te dira, mon gars, t'es pas dans le temps. T'as la haine, mais ça se ferme, mais tu n'es pas embêtant. Fais pas tes thèmes en étant rage, car ta scène en dépend. Je veux plutôt dire que là, tu rappes dans le vent. Je compte tous les perdants qui craignent que je fasse en 16 ans, on a la peine. Qu'on s'est mec et dégaye dès que je même sans thème, j'enterre tel ou tel BPM. MLK ne manqua pas l'appel. Et j'ai jamais dit que je faisais preuve de bon sens. Je donne des claques à ma bonne et à ma mauvaise conscience. J'ai lancé pour des sons qui freinaient tour des iPods. Si tu veux du son du bon gros freinet tour un tas de prod. Peace. Yeah. Ouh, ça kick sale mon gava. Ah, ah truc de ouf. Franchement, bah, bravo MLK. Ah, lourd, lourd. Merci, grosse technique. Merci. Ça fait plaisir parce que des fois, les mecs my kick, je garde mon calme, je prends mon souffle et j'attends que ça passe. Mais là, vraiment chaud, gros. Et bah, bravo à toi. Merci, mec. On peut te retrouver sur le net quelque part, MLK. Vas-y, balance. Ouais, j'ai une page Facebook, c'est MLK. Sinon, sur Twitter, c'est Lulu-du-8 alias MLK. Et ouais, voilà, même sur Instagram, Lulu-du-8 alias MLK. Et j'ai des vidéos sur YouTube aussi, vous cherchez MLK Freestyle Concours Marine Monster par exemple et vous trouvez. Et bah, si. Bon courage pour la suite en tout cas, MLK. On va suivre ça, gros. Tu peux passer des dédicaces? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Merci. Dédicace donc à Zeki, mon partenaire avec qui on saigne l'album depuis aujourd'hui. Mon bro, Juju, Thibaut, Sabou, la SEF, LDS, Mickaël, Rémi, Oussama, Lulu, ma famille qui est juste à côté, Niaoré et puis tous ceux qui m'écoutent. Et bah, bon courage pour la suite et reste avec nous parce qu'il y a un gros freestyle qui se prépare maintenant. Nekfeu, on peut donner le coup d'envoi, le feu. Bah, moi je suis prêt, hein. Est-ce que tout le monde est prêt? DJ Elite est-il prêt? DJ Elite est prêt? Est-ce que mes gavas sont prêts? Ouais. Ah, il y a le feu de business dans la place. On va allumer le feu. Busy. Balance ça, Elite. C'est parti, coup d'envoi. Un, feu est dans les bacs. Feu. L'entourage, escrou en 995. Hey, ça dit quoi? Check. Même si t'as tout fait pour les gens, à la moindre dispute, ils oublieront déçus de ceux qui rampent. On veut des sous et c'est le sous qui rentre, c'est le souk. Je veux pas d'une zouze exubérante qui zouk. Sinon je devrais couper le souffle aux soupirants. Ils me supplieront de les épargner, mais je suis pas économe. Eh connard, laissez parler les vrais bonhommes. Tu sais, tant qu'un frère a du cœur, j'ai rien à foutre de ses stats. On a passé le stade de se demander qui c'est star. On s'estime et les doutes s'estompent, je suis pas assez stable. Si star, cesse donc d'enfiler ses stars. Au fond du trou, à part le ciel, tu veux que je me tourne vers qui? Envie de retortir à zéro comme un converti. Le traître négocie les trêves, le journaliste grossit les traits comme un coquet. Que connaît-il de la philosophie des gosses illettrés? Sait-il ce qui se passe chaque fois qu'un petit se fait renvoyer? Connaît-il la souffrance de l'enfance de mes petites sœurs en foyer? Hein? Comme mon homonyme des cicatrices, j'en ai baisé. Même avec les cordes vocales coupées, je serais un mec de parole. Je me retourne dans mon lit en me demandant si je dois les baiser. Vu que la nuit porte conseil, je me lève avec le barreau. S-crew, c'est comme ça que ça se passe, frère. Yeah. Un vrai repère l'aura, y'a trop de faux amis, peu de perlera. Instant de volatile, hors la loi, postiché comme le corbeau noir. Même si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. A toutes les heures, la mort peut te heurter. Si eux ils sont pas des hommes, c'est parce qu'ils ont peur d'être. y'a pas d'issue pour s'échapper. Non, fera mal, le sang versé ne sait jamais. Des sauts de larmes, quand un proche va dans l'au-delà. Ils sont là pour de l'or, ce qu'on aime au fond c'est l'âme. Ouais, c'est pas la peau de l'homme, révolté comme Mandela. En parenthèse, toujours là quand ça part en guerre. Mes tortionnaires se mettent torse nu, comme la race des Saiyans. On attend son heure à part entière. On était forcé d'être forcené. Forcément, fallait que ça brille tard les farces, non. Faudrait que je pense à faire des mômes, ouais. Il faut rendre fiers les nôtres, ah. Avant qu'on enterre mes couches, je veux qu'on écoute mes derniers mots. Yeah, je veux qu'on écoute mes derniers mots. Je crois bien que le danger vient de mes proches. Rien ne m'étonne, tout ce qui m'entoure n'est qu'un simple décor. Craindre les forces, ce n'est pas pour moi, donc je blinde mes forces. Poto, tu pilles la défaite, tout ce que je peux faire c'est plaindre tes gosses. À force de manier l'argent sale, je commence à m'en laver les mains. C'est un nouveau départ dans le rap, on va embrasser le destin. Je compte plus le nombre de fois que je me pète la tête, me défonce le foie. Mais que j'arrête de faire la fête avec ma secte, on est forcé le soir. S-C-R-E-W, tous ces mecs, il est très rêve de nous bluffer. Le vice peut me taper dans les dons, j'abaisse pas ma garde. La vie, un long fer tranquille, coup, traverse à la nage. Les man à vos faces, voilà, neck, feu, partez. Pétasse, allez, twerk, bouge ton bête de taper. C'est E2F, ne tente pas de contrer. 7-5-0-19, si tu cherches la contrée. Pompez, c'est le L que des flammes bleues appellent les pompiers. Mec, flamme, passe, flav, din. 2R, Alpha, Dooms, Mekra, Fram, Algi. On est là pour longtemps. Franck, achète feu si tu veux payer comptant. On fait des erreurs, mais quand on chante, on est les meilleurs, même quand on se branle. Nique toutes vos notions de loi. Bitch, du plus profond de moi, je veux finir au plus profond de toi. On terminera le parcours à la morgue, mais avant ça, on est revenu mettre les baffes, toi, à la mode. Pour plus d'action, peu de débat. L'avenir sous juste veux. Mais la patience est une vertu que peu de débat. Yes, depuis tout petit, 2015, l'année du L, bientôt le jour J. C'est facile de les faire rager, ouais. Sache c'est le faire. J'arrive avec les verres sachets et les sachets verts. Vous êtes tous gâtés, bande de merde du net. À travers ma paire de lunettes cartées, je vois des lunettes écartées. Double scotch, j'ouvre le score quand mon équipe rentre. Quoi? Le toit est en feu, le sol brûle, ma clique flambe. Les gens nous guettent et ils veulent s'ambiancer. Ils veulent connaître nos rap, nos sapes, nos placements financiers. Fuck toutes ces débilités d'espionnage. Fuck. Notre crédibilité n'est même pas questionnable. Nique les normes, on cherche des deals énormes. Dis aux yens de déclarer forfait, je suis là pour un millénium. J'ai bien dit un millénium. Dès que ça parle argent, ils ont des voix bizarres, c'est comme s'ils avaient plus de l'hélium. Faut qu'on les plume, vite. Colors donne dada, on va faire tomber les colosses. Tire, je culmine. Ils pourront rap me patron. Pratique le rap de patron, antipersonnel comme une mine. Je bosse pas intérimaire, quand je suis dans le périmètre, y'a que des playmates. Depuis que j'ai. Ah, je peins à l'instinct. À 25 piges, j'ai déjà signé 25 ins. Tire, Nekfeu, c'est le planète rap. Fais du flingue au microphone, personne arrêtera. Non. Y'a pas de problème quand c'est le planète rap. Dealer. Tu sais que c'est Mekra, tu sais que personne l'arrêtera. Yes, c'est live de planète rap. Excuse-moi, Doomams. À la prochaine, book, tu vas être Mekra, le Mekra, au micro, parlez pas de pédave, je picole. Je suis qu'un brave capatif et je te fais rafler comme Mario. Je suis pas plaque ni latino, je suis un pic au Canada. À ce qui paraît, tu sais, mytho pas. C'est qui le baladeur? C'est frico, y'a pas de mal, on veut chill au Panama. Une élite, si on peut pas de mal. Tiens, check, je me relance. Check, c'est Mekra, le Mekra, au micro, parlez pas de pédave, je picole. Je suis qu'un brave qui a pas de bif, je te fais rafle comme Mario. Latino, je suis un big au Canada. À ce qui paraît, tous ces mythos passent des kilos par la doigt. Viens dans le frigo, y'a pas de mal. On veut chill au Panama. Pile et chill aussi, faut qu'il ait le beat. Mon stylo gratte un max. C'est le Kaira. Et t'as mes crasses, cette putain de Kaira. Ça ira, je suis faillant. Pas de mariage, on salira la Zaya de Paria. Paya, on a l'image de Cannibal. Et c'est Khatar d'Al-Qaïda. Et t'as pas idée, arrive pas, on a des qualités. Le pari, il fait baliser. Les petits, ils restent étanisés. Le sale diable va t'habiter. Si t'as pas la niaque, qui sait, je travaille. Mes patates sur un sac à la salle, j'y vais. J'ai plein de buts, mais pas de marque et pas d'une. C'est la life, j'veux une VV, j'ai un PC. J'suis pas une pute, j'ai pas de marque. Les maths, ma démarche de parche, savoir ne pas parler. De tes bails, c'est un choix, crois-moi, c'est pas gagné. Saldas, tu parles mal, j't'avais dit y'a pas d'amour à Paname. Donc pas besoin de t'attacher tes plaques et les paquets tirent les déclats. Tous les paquets vite pas que les gars l'ont que les gars qui jacquent des sapés ta petite t'es les balles de fils. Fais le show et attends ton nu. Allez j't'éclate le bif. J'suis chaud donc j'ai pas froid aux yeux. Plus Barrel que Pocheton, plus Pocheton que Barrel. Plus Barrel que Pocheton, hein, hein. Plus Barrel que Pocheton, plus Pocheton que Barrel. Écoute ça, ya ya ya. Vas-y, vas-y, vas-y. Encore un soir où j'tente d'écrire, mais ma page reste blanche. Depuis le ventre vide, il me reste un sachet. Hein. J'me dirige vers le 6 là-bas, un Los Bar m'attend. Je m'empure le beat dès le frigo. Devant la banque, on se voit. On monte chez Los, la transaction se passe en balle. Puis j'fonce dans le trou, on me rejoint tous mes gars en bas. Ça roule des cônes, devrais-je plutôt dire des battes. Goûte cette dope qui me fait relativiser. Le mal c'est mal, on le sait tous, mais c'est lundi, j'y vais. Faut des probabilités, je t'entrais ce pari. Il faut des pépettes pour gringer, pas du style lepto. J'garde ma conscience pour moi, donc fais les mêmes frérot. Fais de même frérot. Yeah. Funky flamme. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Petit yeah. Funky. Eh eh. Check ça. Petit Funky. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Petit toi non a fait ses classes au mic. Gentil mais pas naïf. Pas du genre à perdre une occasion de faire de la maille. Pas du genre à gémir, à fléchir ou à se taire. À frémir. Depuis mes 16 balais je prépare la guerre. Me compare pas à tes assos mec. J'suis au dessus car j'ai la vision, l'ambition, la tech. Maîtrise le processus. Clic clic. Boum l'offensive est lancée. C'est l'entourage. Couche sur un ouvrage classique du rap français. Je sais pas en qui, en quoi tu crois. Mais demain je nous vois loin. Mi fa, villa, soigner Saint-Domingue. Hey, après le show on sèche le whiskas. C'est là que je fais mes plans, je suis prêt, j'avance. Papa, les yeux serrent les dents et tu le sais. Feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, Funky Flav, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, FG, S-Crew, feu. Hey, ça fait. Ici survivre est un exploit, faut pas lâcher, on m'a dit le... Ah ok, ça fait, check. Merde, merde, merde, c'est trop d'émotions ça. Ça fait... Ici survivre est un exploit, faut pas lâcher, on m'a dit c'est le travail à la chaîne. Moi je suis pas un esclave, ils sont déjà malheureux les jeunes, alors eux les vieux. On a le religieux, ne rejette pas le religieux, non. J'ai des yeux meilleurs. Perturbe. J'ai vu des jeunes voyous perdus devenir des mecs de urge. Nounet, loin de ses frayeurs, je recoupe d'une couverture ma deuxième mère qui dort sur le canapé après une dure journée. Un jour elle m'a dit je t'aime et tes yeux scintillèrent. Je me sens apaisé par sa voix pendant les cinq prières. Pourtant je suis loin d'être un modèle de vertu. Bordel de merde dure, vie moderne, faut que je modère la verdure. Pendant que le diable embrouille encore une âme, la mort arrive, muette comme une tombe, bruyante comme une arme. Pendant que le diable embrouille encore une âme, la mort arrive, muette comme une tombe. Encore attends, le terme du siècle, alors laisse-moi. Laisse-moi. Pas balance vers une petite dose d'espoir. C'est comme ça que ça se passe, yes. Check ça, hein. Eh, je suis sur YouTube, hein. Je suis sur YouTube, je fais du zapping, ouais ça pique. Le rap que je vois est nul, mais il y a 5 ans je trouvais ça pire. Ce truc va tourner comme une éolienne. Les autres ils manquent pas de toupet, leurs couplets sont coupés aux miennes. Qu'ils aillent se faire mettre. Mes concerts dans ta ville chiffre, mes frères m'aident, je rappe la vraie merde. La real shit. Babylone me chuchote, prends ton cash, dépense le vas-y. Comme toi toutes ces histoires de braquage, de banque me fascinent. Plante le racisme, prends le acide, trempe dans de l'acide. Noir en France, plus facile de prendre l'avion que de prendre le taxi. Je vais pas appeler à l'aide ou attendre qu'on me paye. Je me sens ni dans mon pays ni sur ma planète. Entrer où on entre app et entreprendre. 400 ans de retard, pas le temps de me branler. Mon ventre rap, j'entends sous mon manteau. Ouais, il faut que je me serve dans le pot. Les noirs intouchables, c'est du cinéma ou c'est des fantômes. Jour de la pyramide, ça gère la famine ou la lispo. On sait qui a le pouvoir, les anciennes familles d'Aristo. Le niveau de la vie hausse, tout le monde fraude. Personne peut assumer le tarif, les gosses haïssent la vito. Hey. Dis-moi, c'est quelle vie, les jeunes ken vite. Haine viscérale envers système scolaire. Les contacts se font quand les phones tels vivent. Risques-tu la semaine et le week-end vive. Pour dormir contre les daytime, ken vite. Vite, feu, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, yo yo, Bigo, Bigo, feu, Bigo, Bigo, feu, hein, feu, fais feu. Ni slow ni slam, juste des flots, des flammes pour les hommes, les femmes. Aucune pitié, zin, y'a que les sommes que j'épargne. Je donne tout ce que j'ai dans mes raps pour un jour peser dans les charts. Lâche ton billet, feu dans les packs. On est ravis de le fêter. Les seuls qu'on va laisser nous empêcher de briller sont les maquilleuses télé. La réussite des miens vaut plus de 10e retrait. C'est la fierté des nôtres, comme le disait Rof. Ouais, le groove leur fout des coups de schlasse. Demande à ta petite amie, mes couches tard. Découpe des bouts de zade, gros comme le rocher qui a fait sombrer le Titanic dans leur croûte naze. Personne s'est fait tirer dessus, pourtant j'y vois plus d'un trou de balle. Et leurs albums valent même pas mes fruitline. Quand on rappe, Renoir, Abzabab, tout bouge. On n'est pas le renouveau du boom bap, on est le renouveau du rap tout court. On nous a pris pour des intrus, les autres sont passés à la trappe. Et je parle pas que de leurs instrus. Je t'ai fait un album presque parfait, chapeau l'artiste. Je dis presque parfait parce qu'il manque Bigo sur la tracklist. Ok, tu vois, salut. Mec, ici y'a pas de rap list. Yeah. J'ai zappé mon gars Bigo de la tracklist. Yeah. Mais je l'ai pas zappé car y'a les textes qui arrivent. Y'a les featuring de fou sur chaque riff de Paname, c'est l'entourage, mon gars. Quelle plus grande fierté que voir les frères faire des couplets écrits, mec, et gratter. Pour l'occasion, l'album est dans les bacs, va le pécho. Hein? C'est comme ça que ça se passe, je vais te kécho. Yeah. Ouais, bitch. L'argent, les armes. Ouais bitch, ouais bitch, l'argent ouais, bitch. Je peux pas danser, mon 45 m'empêche. Laisse-moi décompresser. La vie d'un jeune entrepreneur est complexe. Check. Laisse-moi décompresser. Hey, feu dans les bacs. Check. Laisse-moi décompresser. C'est la vie d'un jeune entrepreneur est complexe. Entre les embrouilles avec la justice et les embrouilles avec mon ex, et les embrouilles avec mes fournisseurs, les embrouilles pour descendre. Je suis dans un monde étourdissant. Tu peux tout remonter, tout redescendre. Je redescendrai plus jamais. Mon ex m'a dit je t'en prie, ne t'en va pas. 24 piges à peine, je travaille déjà plus que ton papa. Difficile de m'avoir, impossible de me marier. Cette mannequin faisait des manières, maintenant m'invite dans son manoir. Je sais pas ce qui s'est passé. J'apprécie les dièses. Le pastis est glacé, la piscine est tiède. Elle veut être avec feu, mais moi je veux plus être en pleu. Sa main dans mes cheveux, je la laisse abîmer ma peu coup. Ses copines me regardent, genre quand est-ce qu'elle l'épouse. Ses copains me regardent, genre qu'est-ce qu'elle lui trouve. Je bédave tout ce caramello. Et j'écris sur la nouvelle douceur caramello. J'aime comment tu danses, bébé détends-toi. Le feu est en feu, le feu est en toi. Ouais, j'aime comment tu danses, bébé détends-toi. Le toit est en feu, le feu est dans les bacs. Aïe, aïe, aïe, t'as un truc sur ça? Yeah, bien sûr mon gars, toujours, toujours. Yeah, yeah, yeah. S. Wouh. Hein. Feu dans les bacs mon gars. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La vie m'a appris à ne jamais tourner le dos. Y'a que le mur qui peut mater mes fesses. Mais je laisse la bête avec cramer tous mes neurones. Ouais, ouais, je préfère ça que de me gratter les veines. Je fais ce que je fais le plus. Gratter des cesses qui te pètent le cul. Ouais, sans cesse, on encaisse, mais je reste concentré. J'ai une tête et un sexe de mule. J'ai souffert dans le calme. Ça prouve que mon parcours est crédible. Coup de pelle dans le crâne. Très jaloux, soit ouvert d'esprit si tu banalises ce que je dis. On te malmène jusqu'à ramper quand le cannabis fleurit. Photos, ça freine la santé. Véritable vécu, j'en garde les stigmates. Depuis, j'apprécie le pays. Et je fume de l'herbe médicale. On reste insaisissable et t'es-tu toujours un indéminable. Indéminable. J'ai équitable des thunes comme dans Breaking Bad. Je fais des tons de minette en toute modestie. Là j'y prends couille. J'ai l'expression directe depuis que mon esprit est parti en couille. Jusque là je t'aimais, mais t'as blasphémé. Je t'avais dit que personne ne pourrait m'arrêter. Rage, je t'offre le droit de te moquer si tu me passes le code de ta CB. Feu, feu, feu. Dans les bacs enfoirés. Senzu. Yeah. Je mène pas une vie persienne. Même si j'ai percé, j'aperçois des personnes derrière les persiennes. Seul dans mon appart sale, ma sœur révise un partiel. Y'a pas de loin partiel à part le ciel. J'suis entouré de zonards sur le sonar. Mais c'est trop tard quand les ennuis sont là. Les accusés sont sur le banc et transpirent comme au sauna. Les mères pleurent comme Solar. T'es jamais à l'abri, le mal me l'a appris, l'âme l'a pris. Une maman prie, pourquoi tu me l'as pris? Oh Dieu, c'est pas le ciel, c'est les hommes. Oh Dieu, leur âme est scellée par le sexe, c'est les hommes. J'ai vu le seum donner du sale. C'est comme si leur cœur avait regardé les deux yeux de Médusa. Le courage et la peur ensemble sont mes deux armes. Quand je me sens déraciné, je monte au sommet des arbres. De là où je vois la mort, faut être précis à l'approche. La vie c'est apprécier la vue, apprécier la branche. Balance ça. Yeah, yeah, écoute ça, yo. Doom Moms. Feu, sorti depuis aujourd'hui, yo. Yeah. Tu veux tester mes salauds, ça fait bang genre saloon. Frère, si je t'allume, c'est que je suis prêt pour le salut. T'es pas de la mif, parle-moi bif ou parle-moi profit. 10 kilos de weed, 1 kilo de cheat, le douceur blanchi. On fume le matos, mes vatos ont brûlé ses rappeurs. Ça vient du gâteau, comme retire du gâteau de l'éducateur. Vite un thé, grosse boisson, c'est la moisson, les mousses sont sorties. Hey, vite garçon, Miss Taguette. Où ça le pédale, ça bouge à tes tournas, écoute ça fait blé. Rien qu'on fait des classiques, escrew, le nom de mon gang. Y'a que dans l'ombre qu'on tranche, pour pas finir aux assises. Souvent dans un camouflage, BRKK. L'ambiance c'est pour avier, yeah. Tout grâce à Visère, la weed. Ici tu perds ta vie, on te nique ta mère à 6. Une bonne paire de Nike Air dans la tête, c'est facile. Le Nost est entouré, donc on fait ça à notre manière. Bientôt le L est en tournée, donc prenez garde à vos arrières, yeah. Bitch, yeah. Et toi dis-moi pourquoi tu causes. On est au festival de Cannes. Tu traînes à la foire du trop, yeah. Ok. C'était la session live dans Planète Rap, yeah. Première belle soirée dans ce Planète Rap de Nekfeu. Hey, il là, fait chaud là. Il fait chaud, il fait chaud. On a mis en même temps, Elite sur les instrus. Le ouais. Franchement, ça fait super plaisir là. J'étais ému parce qu'il y a des couplets carrément qui ont été grattés. Je savais pas. Et franchement, Dean, voilà. Dean notamment. Dean et F, ils ont assuré. Ils ont en profité pour faire un petit clin d'œil, ouais, par rapport à la sortie. Ouais, si vous écoutez, il y a des couplets qui ont été lâchés, qui sont inédits et qui vaudront de l'or bientôt. Je suis honoré de les avoir eu sur mon Planète Rap. Voilà, feu est dans les bacs. J'espère que vous avez kiffé. Demain, on vous prépare un freestyle encore plus sauvage. Et merci à tous ceux qui soutiennent. Senzu, l'entourage, on est toujours là. Escrew, on prépare un deuxième album, un 995, deuxième album bien entamé. Doumams. On en parlera dans la semaine, je pense. On parlera dans la semaine, mais il faut quand même, tu vois, le rappeler de temps en temps, quoi. Tu as raison. C'est mon premier jour, tu vois, que c'était obligé que ça soit en équipe et en famille. Et bah, ça continue tous les soirs de la semaine, entre 20 et 21. L'album est sorti aujourd'hui. Le hashtag, c'est Nekfeu sur Skyrock. C'est plus mal que Boston. Tu veux ajouter quelque chose? Dédicace Crimo Lacrimo. Eh bah, on dédicace Crimo Lacrimo. Quand il va sortir, Baril est pochetard. Baril est pochetard, plus Baril que pochetard. Plus pochetard que Baril. Ouais, voilà. Le salut. Juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Offre le nouvel album de Nekfeu, celui de Big Flo et Oli. 100 chèques cadeaux de 50 euros, plus 100 places pour le Nitro Circus à Nice. Skyrock. Salut Quentin du 7-6, comment ça va Quentin? Bah ça va nickel et toi? Bienvenue dans le Planète Rap de Nekfeu, il est là. Bien ou quoi Quentin? Ah nickel. Ah tranquille et toi? Bah ouais, ça va. Il va peut-être repartir avec son album dans un instant. L'album s'appelle Feu, on le file dans la roulette. Oh là, dès là, que la tu veux, chance. Tu dis stop, c'est parti, ça tourne, ça roule. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Allez, feu, album de Nekfeu, album de Big Flo et Oli également. Et 50 euros en chèque cadeau, c'est pour toi, ça arrive à la maison. Ah, nickel, merci. Et avec les 50 euros, t'achèteras mon CD encore. Tu peux le racheter encore. Ça fera plaisir à la famille. Ah, non, c'est Nekfeu. Je rigole, poteau. Comme Sneezy, que j'ai vu qu'il a publié une photo, très belle photo. Il en a. Ouais, t'as vu, un arsenal. Une dizaine dans chaque main. Non, mais t'inquiète, on va faire des ventes que avec l'équipe. Là. Je sais que c'est comme ça. Bon, bah, c'est parti. Merci en tout cas à vous tous. Merci Nekfeu demain. Merci à toi. Rencard entre 20h et 21h sur Skyrock et toute la semaine avec cet album numéro 1 des ventes. Feu. À découvrir tous les soirs, et là c'est D-Fool et toute l'équipe. Et oui, le numéro 1 est sur Skyrock. Bonjour Nekfeu. Bien ou quoi D-Fool, c'est toi le numéro 1. Bon, on sera ensemble alors cette semaine, tu viens nous voir dans l'émission? Ouais, bien sûr, je vais venir vous voir. Je t'ai envoyé Cédric en éclaireur, il m'a dit que c'était bon pour. De toute façon, t'es là toute la semaine donc. Bah ouais, on va dire un peu des conneries ensemble. Donc oui. On verra bien. On a l'habitude. Ouais. On verra bien, ouais. On verra bien. J'ai envie de dire. Ça marche. Et nous, on offrira l'album. Salut Marie. Ah bah. Salut. Salut Karim. Moi, je veux l'album. Toi, tu veux l'album? Ah, je te mets pas l'album. Je te mets pas ton micro, t'es un voleur. Ça y est, je te mets Karim, mais je suis sûr que tu l'as déjà. Ben bah non, on l'a pas, mais on a entendu un peu. Ok, bah je viens de recharger. Mais sinon, les magasins sont ouverts tard. Les gars, les magasins sont ouverts tard. Hein. T'as vu, ces gratteurs, ils me font honte. Non, mais sinon, on écoute Planète Rap. Hein. Ouais, ouais. Dis-leur rendez-vous au et magasin. Voilà. Quoi. Non, allez, tranquille, je leur ramènerai une petite. Bah merci, Nekfeu. Cargaison, tu es bien cool, sympa. Cool, avec plaisir. Bon, ben le retour demain, en tout cas, dans Planète Rap, 20h-21h. Nous aussi, on a un invité ce soir. On te découvre dans un instant, on vous dit tout, oui. Surprise. Surprise. On le connaît bien. Surprise. Oui, vous le connaissez bien, ouais. Très très bien. Bah, surtout, pas Fred, Fred, tu le connais depuis longtemps. Hein. Ouais, Fred, longtemps. L'ami des stars. Oui. Ouais, l'ami des stars, genre. Ça a l'air sombre comme affaire. Non, c'est un poteau. Je connais donc. Très bien. Beaucoup de gens depuis très longtemps. Tu sais. Ah ouais. Il n'y avait pas un autre indice parce que je connais. Un autre indice, allez, je vous dis, touche pas à mon poste. Teufa? Non, c'est pas Teufa. Non, c'est mon ami depuis longtemps. Cyril Hanouna non plus. Comment il s'appelle? Fredo. Non, bah vous verrez dans un instant. Ok. Bon, on attend ça. En tout cas, Nekfeu demain, pas louper dans Planète Rap le gros album qui s'appelle Feu. Ah tiens, t'as le bonjour d'une amie à moi qui est en train de nous écouter, mais qui est fan de Nekfeu, ça me rend jaloux d'ailleurs. Donc c'est Camille. Si tu peux faire un petit coucou à Camille, ça va lui faire plaisir. Ouais, Camille, je te passe un gros coucou. Tu vois, je suis pas rancunier. Diffoul, t'inquiète, je te donnerai un CD dédicacé pour la série. Merci. Il te donne une meuf, tu lui donnes un CD. Bah, genre. Mais non, mais c'est pour qu'il la serre. Il doit. Merci Nekfeu, c'est bien. T'es solidaire. Salut. Merci. Nekfeu. Salut à toi, à demain. Fredo, à demain. Radio Libre. Ciao. À demain, bisous. Jusqu'à minuit, on y va dans un instant avec Rihanna. Demain. Commencez avec Beach Bell Have My Money sur Sky. toute la journée sur Skyrock. Let's go.